Que ce soit pour le démarrage ou l'acquisition d'une entreprise ou le développement de celle-ci, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer au financement dans certains cas. Contactez-nous au 418-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de rappeler l'importance de la forêt pour notre économie. Dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Ce que vous venez d'entendre, ça se passait il y a 40 ans, ça va faire dimanche plus précisément que Gilles Villeneuve perdait la vie. Donc ce que vous venez d'entendre, ça vient des archives de la radio de Radio-Canada. C'était vraiment un tremblement de terre cette journée-là. On vient de perdre justement deux légendes, Guy Lafleur et Mike Bossy. Mais Gilles Villeneuve, lorsqu'il est décédé d'un accident en Belgique, tout le monde se rappelle ce qu'il faisait lorsqu'il a appris la nouvelle. Et celui qui, évidemment, qui se rappelle de ça certainement, c'est l'éditeur du magazine Pôle Position, Philippe Brassard. Salut Philippe! Oui, salut Danny! Philippe, où t'étais lorsque t'as appris? Et qu'est-ce que tu faisais quand t'as appris la nouvelle? Moi, en fait, j'aurais dû accompagner mon père au circuit d'Isolder ce jour-là. Ah oui. Puis, en fait, comme j'avais mal à la gorge, j'étais resté à la maison, puis je regardais des émissions musicales, des vidéoclips à la télévision, puis ils ont interrompu les programmes pour annoncer l'accident de Gilles Villeneuve. Donc, j'en ai un souvenir, même 40 ans plus tard, un souvenir précis. Comme tu disais, pas mal tout le monde, je pense qu'on a ce genre de souvenir-là. Où on se moi, je me rappelle, jouer dans le corps et de puis on avait eu la nouvelle, ça avait été quelque chose de majeur, là. T'es vraiment important. Faut dire que Gilles Villeneuve, c'était une tentative de dépassement et qu'il avait perdu le contrôle. Non, en fait, ça c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu la légende, ça, c'est que Gilles Villeneuve, il faisait encore un tour de qualification, c'était un tour à l'issue duquel il allait rentrer dans les puits. Donc, c'était pas un tour rapide, comme certains l'ont dit, qu'il voulait battre le temps de Pironi et tout ça. Ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est la légende. Simplement, bon, il est arrivé après la chicane du circuit de Zolder, la première chicane, pour dépasser la marche de Jochen Mass, qui était au milieu de la trajectoire au ralenti. Et Gilles Villeneuve est allé dans l'herbe pour essayer de l'éviter. Mais ce n'était pas un dépassement d'un adversaire direct. D'abord, on est en qualification, évidemment, pas en course. Et d'autre part, c'est un problème mécanique sur sa voiture. Il faut quand même à un moment donné le dire. Je sais que ça a été longtemps caché, ça. Mais c'est en réalité un souci mécanique qui fait qu'il n'a pas pu éviter la voiture de Donc, toi, là, les liens que Didier Perroni et ainsi de suite, là, qui était en chicane avec Didier Perroni, c'est un mythe, ça, c'est pas nécessairement vrai. Là. Ben, c'est vrai qu'il était en chicane suite à ce qui s'était passé au Grand Prix précédent à Imola, où Didier Perroni, il y avait eu, je dirais, une incompréhension volontaire des ordres d'équipe. Donc oui, effectivement, la tension au sein de l'écurie entre les deux coéquipiers était très forte, ça c'est certain. Mais au point de dire que Gilles Villeneuve a tenté un tour rapide pour battre le temps de Pironi, comme on l'a souvent entendu et lu, ça c'est pas vrai. Ok. Quel a été l'héritage de Gilles? Encore 40 ans plus tard, Gilles Villeneuve est encore très populaire, pas juste au Québec, mais en Italie, Gilles Villeneuve est encore un dieu. Gilles Villeneuve, dans la mémoire des gens, même de la F1, c'est encore vraiment, là, il est encore très très présent. Donc c'est vraiment un personnage plus grand que nature, là, pour que 40 ans plus tard, on en parle encore aujourd'hui. Là. Oui, tout à fait. Puis je dirais que, bon, Gilles Villeneuve, il ne faut pas oublier aussi les deux victoires de 1981 sur le circuit de Jarama en Espagne et puis à Monaco avec une voiture à moteur turbo très, très brutale, très puissante, qui n'était pas du tout faite pour ce type de piste. Et Gilles Villeneuve avait gagné. Et ce sont ses cinquième et sixième victoires, les dernières en Formule 1, finalement. Ça peut paraître un peu anecdotique avec le recul, mais en réalité, je dis ça parce que sa légende, elle s'était établie de son vivant. Alors oui, c'est vrai que tout a été amplifié, je dirais bonifié d'une certaine manière, mais par la suite de son décès. Mais en réalité, Gilles Villeneuve a été déjà extrêmement populaire de son vivant, bien entendu, lors des quelques années qu'il a eu la chance d'aller en Formule 1. Moi, je peux juste te citer une anecdote. Je sais qu'en 1979, lorsqu'il est sorti de piste au Grand Prix des Pays-Bas, il y a beaucoup de monde qui disait « ça, c'est la gaffe de trop, Enzo Ferrari va le mettre dehors ». Et puis par la suite, on a vu que non, au contraire, il plaisait beaucoup à Enzo Ferrari et à Gilles Villeneuve parce que justement, il poussait les machines au maximum. Ça poussait toute l'équipe technique à se dépasser. Et donc, et c'est vrai que l'héritage, pour répondre précisément à ta question, l'héritage de Gilles Villeneuve, c'est vraiment, pour nous ici au Québec, je pense que c'est vraiment le fait, ça a mis le sport automobile sur la map, ah oui, disons-le c'est comme clair, ça. C'est clair, c'est clair. Parce que tout d'un coup, le grand public, mais aussi les entreprises commençaient à découvrir la popularité de la course automobile. Et ça, ça a aidé par la suite d'autres pilotes qui ont voulu faire carrière. Je ne dis pas que c'était nécessairement super facile de trouver des commanditaires, mais au moins l'héritage de Gilles Villeneuve faisait que les gens savaient de quoi le pilote parlait lorsqu'il allait les voir, éventuellement une commandite ou auprès du public. Oui, effectivement. Moi, ce que je me rappelle évidemment de Gilles aussi, c'est en 79 au Grand Prix, au 78 au Grand Prix du Canada, qui avait un aileron qui s'était défait puis qui avait continué l'épreuve. Ça, c'est en 81. Il a fini troisième. 78, c'est l'année qu'il a gagné. Oui, OK. 79, c'était une super bataille avec Alan Jones. 1980, c'était une voiture qui était absolument ratée. Et malgré tout, Gilles Villeneuve avait réussi à faire de très, très bons résultats, en tout cas bien meilleurs que ceux de son coéquipier champion du monde, Jody Scheckter. Puis 81-82, c'est les débuts, on devrait dire, les courses qu'il a pu faire avec la Ferrari à moteur. René Arnoux aussi, hein, encore aujourd'hui, là, c'est un affrontement historique. On en parle encore aujourd'hui de cette bataille avec René Arnoux. Là. Ça, c'était d'un autre Grand Prix également, là. Oui, tu as tout à fait raison. Effectivement, quand je disais justement que sa légende, elle a été établie de son vivant et pas juste le bonifier après son décès, après son accident. C'est vrai que le Grand Prix de France 1979 à Dijon, la bataille avec René Arnoux, c'est une bataille amusante parce qu'elle est vue comme un des plus grands moments de l'histoire de la Formule 1. Et quand on regarde la Formule 1 aujourd'hui, avec toutes les décisions de la direction de course et les pénalités et tout ça, ces deux pilotes-là, ils seraient probablement exclus pour une Coupe de Grand Prix d'avoir fait ce que Gilles Villeneuve et René Arnoux ont fait en 79. Donc, c'est vrai. Et n'oublions pas aussi que la bataille de 79 à Dijon, c'était pour la deuxième place. Hein. Okay. Là encore, il y a beaucoup de légendes de dire qu'ils se battaient pour la victoire. Non, ils se battaient pour la deuxième place parce qu'en avant, il y avait la Renault de Jean-Pierre Jabouille. C'est la toute première victoire, d'ailleurs, de Renault en Formule 1 et d'un moteur turbo en Formule 1. Aujourd'hui, on est avec des moteurs turbo hybrides. C'est un peu une époque différente, mais quand même, ce 1er juillet 79-là, c'était la première victoire d'un moteur turbo. Ouais. OK. Philippe, évidemment, on va parler maintenant du Grand Prix de Miami. On va honorer la Gilles Villeneuve. Je pense que même François Dumontier a participé pour ça. Hein? Oui, parce qu'effectivement, le hasard du calendrier fait que le Grand Prix de Miami, donc la toute première édition du Grand Prix de Miami, tombe donc dimanche, c'est-à-dire le 8 mai 2022, donc 40 ans jour pour jour après l'accident de Gilles. Ouais. OK. Miami, quelle sorte de Grand Prix qu'il faut s'attendre? C'est un circuit urbain temporaire, comme on en voit de plus en plus, mais un circuit urbain temporaire quand même assez rapide, avec quand même quelques enchaînements très, très sinueux, là où il faut passer en dessous de l'autoroute, parce qu'on passe en dessous du Florida State Park à un moment donné. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des enchaînements de courbes, comme les virages 9-10, qui sont très rapides, ça devrait passer à fond. Le manufacturier de pneus Pirelli a tendance à dire que c'est un peu le même type de pneus et le même genre de dégradation qu'on va avoir à Miami comme on l'a eu en Arabie Saoudite. Donc là aussi, à Jeddah, circuit urbain temporaire très rapide. On se souvient que c'était les Red Bull et les Ferrari qui avaient largement dominé cette épreuve-là. Donc moi, je m'attends à ce que ça soit encore un autre duel Red Bull-Ferrari. Okay. Charles Leclerc mène, est-ce que c'est vraiment surprenant jusqu'à maintenant? C'est pas surprenant parce que la Ferrari avait démontré dès le début des essais d'intersaison qu'ils étaient très très forts. Ils ont très bien réussi leur voiture. C'est eux qui ont le moins de soucis de marsouinage, comme on appelle, c'est-à-dire les pilotes, donc toutes ces bosses ou tous ces coups que les pilotes prennent parce que les voitures arrivent tellement près du sol et avec l'effet de sol, donc ça crée ce phénomène-là. Ça handicape beaucoup les pilotes Mercedes, beaucoup moins chez Ferrari. Charles Leclerc, il est encore en tête du... Peu importe ce qui va arriver à Miami, il va quitter Miami, il sera encore en tête du championnat. Quand bien même il abandonnerait, il ne marquerait aucun point. Malgré tout, il a encore assez d'avance. Mais on a vu quand même que Max Verstappen, maintenant la Red Bull est fiable et je pense que Verstappen peut peut-être partir favori justement à Miami, même si c'est Leclerc qui domine le championnat. Qu'est-ce qui se passe avec Lewis Hamilton? Est-ce que sa fin de saison a laissé des traces? C'est sûr que la voiture n'est pas au top, mais George Russell l'a devant jusqu'à maintenant. Là. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Exactement, Russell et Russell débarque chez Mercedes. Hein, donc lui doit apprendre à travailler avec l'équipe, etc. Et ben, tu l'as dit, Lewis Hamilton, c'est vrai que la fin de la saison dernière, je pense que ça a été très, très, très dur sur son moral. Donc, pour lui, ça a été un échec terrible, la perte du titre de champion du monde. Parce que je pense que Lewis Hamilton à l'intérieur de lui, il se doutait d'une certaine manière que ce serait son dernier titre mondial. Donc, okay. C'était l'occasion pour lui d'avoir 8 titres, ce qui aurait été un record absolu, puisque présentement, il y a 7 titres, comme Michael Schumacher. Mais Lewis Hamilton, les équipes savent à l'avance s'ils vont dominer la saison d'après ou pas. Ouais. Une équipe comme Mercedes, ils savaient dès le départ qu'avec la nouvelle réglementation, ils perdaient leur avantage. Ça ne voulait pas dire qu'ils s'attendaient à être aussi en arrière que ce qu'ils sont présentement, mais ils s'attendaient à perdre quand même un petit peu de leur avantage. Et donc, je pense que Lewis Hamilton se disait, c'est 2021 ou jamais pour aller chercher le 8e titre. Il ne l'a pas eu. Et c'est clair que son moral, et notamment quand on regarde à Imola le dernier Grand Prix où Max Verstappen lui prend un tour en course, ça, c'est très, très dur sur un pilote champion du monde. Ouais. Je peux te le dire. C'est vraiment la pire chose qui pouvait lui arriver. Penses-tu que c'est sa dernière année? Ça va dépendre, je pense, des progrès de Mercedes. Okay. Si en moitié de saison, voire dans les derniers Grands Prix, il gagne quelques courses parce que la Mercedes est redevenue une voiture performante, je pense qu'il va continuer. Okay. Il va avoir le goût, c'est un battant, un compétiteur, il va avoir le goût d'essayer d'aller chercher ce fameux 8e titre dont on parle. Okay. S'il voit qu'il n'y a pas de progrès, que la voiture ne lui permet pas de faire des podiums, de rivaliser pour la victoire en fin de saison, moi, je m'attends à ce que Lewis Hamilton annonce sa retraite assez vite. OK. Philippe, gros merci, au plaisir de se parler. Merci, Danny. Philippe Brassard, l'éditeur du magazine Pole Position.